Chapitre 9e. L'homme des latitudes tempérées ne peut impunément habiter, sans acclimatation préalable, le pays des frimas éternels, ou la zone que calcine toujours le soleil de l'équateur. Tôt ou tard, la nature, un instant violentée, recouvre ses droits, et de dangereuses perturbations organiques apportent de trop fréquents et douloureux enseignements. Si l'on devait pourtant établir une comparaison entre les facilités que présente la rapide adaptation d'un tempérament européen à l'extrême chaleur ou au froid excessif, l'avantage serait incontestablement pour ce dernier. Il n'est pas besoin de démontrer que l'Européen supporte mieux le froid que la chaleur. Le froid n'est pas un ennemi invincible. Une alimentation judicieuse, le vêtement, l'exercice et enfin le feu servent à le combattre efficacement. Il importe avant tout d'empêcher la déperdition du calorique et de favoriser l'emmagasinage de nouvelles provisions. La réalisation de ce double problème ne présente pas d'insurmontables difficultés, d'autant plus que les zones froides sont généralement exemptes de miasmes. La chaleur est au contraire un terrible ennemi. Comment, en effet, lutter contre cette température sous laquelle râlent et se tordent jour et nuit les hommes et les animaux suffoqués? Comment éviter les rayons de cet astre implacable dont le contact tue aussi sûrement que la griffe du fauve ou la dent empoisonnée du reptile? Le soleil est pour l'Européen un ennemi aussi dangereux que la faim. S'il peut à l'occasion se préserver des atteintes des animaux, triompher des intempéries et vivre au milieu des miasmes, il ne peut impunément braver le soleil. L'ombre, quelle que soit son opacité, ne lui procure aucune fraîcheur. Il règne perpétuellement sous les grands arbres une température de serre chaude que ne traverse jamais la brise. La nuit est à peine moins brûlante que le jour, car la terre restitue, quand le soleil a disparu, tout le calorique absorbé. Le temps est-il couvert? La chaleur est plus suffocante encore, et la radiation solaire plus dangereuse peut-être. Alors le poumon, las d'aspirer toujours cet air brûlant, ne fonctionne plus qu'imparfaitement, avec une sorte de dégoût, comparable à celui qu'éprouverait un estomac contraint à une perpétuelle absorption d'eau chaude. À cette dangereuse cause d'épuisement, il faut avant tout ajouter ces sueurs profuses dont rien ne saurait indiquer l'abondance. C'est un perpétuel écoulement en nappe, qui s'étend de la racine des cheveux à la plante des pieds, et dans lequel le corps se trouve comme au milieu d'un bain continuel. Les vêtements sont littéralement trempés et susceptibles d'être tordus. De la face et des mains s'échappent sans cesse de grosses gouttes qui roulent sur la peau et ruissellent à terre. Loin d'être, comme dans les pays froids, un moyen de supporter le climat, un tempérament vigoureux augmente au contraire la somme de dangers. Toutes les maladies, la fièvre jaune en tête, s'abattront de préférence sur l'Européen doué d'une santé florissante. Mentionnons pour mémoire les furoncles et les anthrax, dont il sera littéralement criblé, les fièvres à forme congestive, qui le saisiront au moindre excès de fatigue, et aussi cette éruption tenace, douloureuse, qui se traduit par d'intolérables démangeaisons, bien connues aux colonies sous le nom de bourbouilles. Les bourbouilles couvrent le corps tout entier, qu'ils envahissent comme une sorte de rougeole, ou mieux encore, de suettes miliaires. Ce sont des sudaminas, produits par la trop grande richesse du sang, et dont l'anémie seule ou le retour en Europe amène la disparition. En somme, l'Européen ne peut se considérer comme acclimaté que quand il n'a plus de force, que l'anémie a pâli sa face et que ses muscles gorgés d'un sang généreux ont perdu leur vigueur primitive. Il faut, pour vivre sous l'équateur, se contenter de n'exister qu'à moitié et prendre, comme on dit là-bas, le pack colonial. Aussi, quand il se plaint de toutes ses misères, l'homme de la métropole s'entend-il dire à chaque instant par les créoles ou ceux qu'un long séjour a adapté à cette énervante existence « Oh, c'est la richesse de votre sang qui cause tout cela. Attendez quelques mois. Comme vous serez anémique, tout ira très bien. » Faut-il, après cela, s'étonner de la faible somme de travail produite aux colonies par les ouvriers, quand on songe que le désir de chacun est d'acquérir cet état d'anémie que l'on combat ici à grand renfort de tonique? Un mot encore relativement aux insolations, pour terminer ce rapide et bien incomplet tableau des difficultés de l'acclimatation. L'insolation, le vulgaire coup de soleil, presque toujours mortel en Cochinchine, est particulièrement dangereux en Guyane. Il n'est pas toujours foudroyant comme à Saïgon, mais les ravages qu'il opère ne sont guère moins terribles. Il ne faut pas oublier, que l'exposition de la tête nue au soleil de midi pendant 15 à 25 secondes peut amener une congestion immédiate et souvent mortelle. Un chapeau de paille ou de feutre n'offre aucune sécurité, au moins pendant les premiers mois de séjour. Le parasol est indispensable. Un appartement bien clos n'est pas toujours un abri suffisant. Un rayon de soleil, filtrant sournoisement par une ouverture du volume du doigt et tombant sur la tête nue, produit également une dangereuse insolation. Autant vaudrait être frappé d'une balle. Ce n'est pas tout. N'allez pas croire qu'un léger nuage, placé comme un écran devant l'astre équatorial, soit un préservatif. Ce nuage arrête les rayons lumineux, mais les rayons coloriques le traversent en conservant leur implacable et mortelle intensité. Il importe donc de se préserver à tout prix de ce contact de 10 heures à 2 heures. Aussi, les cités coloniales ressemblent-elles chaque jour, pendant ce laps de temps, à de véritables nécropoles, avec leurs rues désertes, leurs maisons closes, leurs magasins hermétiquement fermés. Enfin, il n'est pas jusqu'à la lune dont l'influence ne soit également pernicieuse. Aussi, le chasseur, le mineur, le colon, le bûcheron ou le marin évite-t-il avec un soin égal et l'ardent baiser de l'astre du jour et le pâle sourire de la reine des nuits. De terribles ophtalmies sont la fatale conséquence d'un oubli. Et l'homme qui s'endort sous un rayon de lune court grand risque de s'éveiller aveugle. Les nourrices et les mères de famille connaissent bien cette particularité. Et il n'en est pas une qui consentirait à sortir avec un bébé pendant la nuit si l'enfant n'est abrité sous un vaste parasol. Les Robinson de la Guyane, après avoir heureusement pourvu au danger de la faim et assuré leur subsistance, payèrent leur tribut à cette cruelle exigence de la première heure. Les enfants s'adaptèrent les premiers avec une facilité relative. Leurs souffrances furent moindres que celles de leur mère. La pauvre vaillante femme perdit bientôt l'appétit. À son élégante pâleur de parisienne, succéda cette teinte grise, maladive, qui envahit, quoi qu'elle fasse, le teint de toutes les européennes. Les anthrax, après avoir douloureusement troué sa chair, laissèrent, comme témoignage indestructible de leur passage, de nombreuses cicatrices livides. Elle guérit, grâce à son indomptable énergie, grâce aux excellents soins dont elle fut entourée, grâce aussi aux infaillibles prescriptions de l'hygiène équatoriale et aux remèdes créoles. Elle pouvait dorénavant braver les intempéries de la zone torride. Le pauvre Nicolas subit de véritables tortures. Le brave Parisien, robuste et sanguin comme un fils de bourguignon, était bien malgré lui réfractaire à toute acclimatation. Les bourbouilles le rongeaient, et comme il ne put, dans un moment de fièvre, résister à la démangeaison, il se gratta avec une telle fureur qu'il contracta une maladie grave, dont la guérison se fit longtemps attendre. Pour comble de malheur, il fut un jour frappé d'un excès aigu de fièvre paludéenne qui faillit l'emporter. Il resta 8 jours entiers entre la vie et la mort. Inutile de dire que Robin, familiarisé depuis longtemps avec ce climat terrible, supportait admirablement sa nouvelle position. Le contentement moral et le bonheur physique semblaient l'avoir rajeuni de 10 ans. Il n'est pas enfin jusqu'au bon vieux Casimir qui n'eût subi une complète métamorphose. Robin lui avait dit autrefois que certains cas de lèpre invétérée s'étaient spontanément guéris grâce à un changement de climat et d'habitude. Son affirmation s'était pleinement réalisée. Son séjour dans l'habitation située à mi-côte, parfaitement saine, bien sèche, une vie active de grand air et aussi une abondante absorption de salts pareils, l'avait complètement guéri. Ses plaies étaient cicatrisées, à peine si l'on apercevait encore quelques squames blanchâtres au point envahis primitivement par ce mal horrible. Ses doigts, encore ankylosés, n'avaient pas recouvré leur élasticité première. Sa jambe était toujours éléphantiasique, mais en somme, il n'était plus répugnant comme avant, en dépit de l'inépuisable bonté de son excellent cœur. Aussi, fallait-il le voir, tontonner allègrement sur sa jambe piédestale, autour des enfants qu'il adorait et qui le lui rendaient bien, les initier à toutes les subtilités de la vie sauvage, leur apprendre à manier les outils, à façonner le bois, à tresser les joncs ou les lianes, à filer le coton ou imiter les cris des animaux de la forêt. Les petits Robinson étaient dignes d'un tel maître. Mais si, d'une part, leur éducation matérielle ne laissait rien à désirer, leur instruction morale avançait rapidement. Les livres manquaient, il est vrai, mais n'avaient-ils pas le grand et superbe livre de la nature que leur père feuilletait sans cesse avec eux? Ce savant n'avait-il pas tout ce qu'il fallait pour faire le meilleur professeur? N'était-il pas merveilleusement secondé par sa femme, cette admirable créature qui, à la vaste érudition d'une incomparable institutrice, joignait toutes les ingénieuses tendresses d'une mère? Aussi, la classe des Robinsons était-elle une classe très bien tenue. La discipline était parfaite et les progrès étonnants. L'étude des langues vivantes était activement poussée. On parlait couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Son côté le cayennais, que les Anglais patoisaient mieux que père et mère, à la profonde jubilation de Casimir. Les cahiers d'écriture. J'ai dit les cahiers d'écriture étaient superbes. Mais, avant de continuer la nomenclature des perfections de nos petits amis, expliquons la façon dont, à force de patience, de travail et d'industrie, ils ont pu, en moins d'une année, obtenir de pareils résultats. C'était quelque temps après l'adoption du jeune tamanoir et du petit jaguar. Les deux orphelins s'étaient bien vite attachés à leur maître. Kat et Michaud grandissaient. Ils manifestaient une vive intelligence et se conduisaient fort bien. Casimir revint un jour en proie à une gaieté folle. Il portait sur sa tête un énorme panier analogue aux cages servant dans les basses-cours à l'élevage des poulets. Dans cette cage, piaulait une jeune famille de volatiles qui protestaient par leurs cris plaintifs contre cette claustration arbitraire. Ils étaient bien une douzaine. Déjà gros comme le poing, leurs plumes claires, striées de noir et de blanc, leurs huppes encore rigides et leurs becs à peine teintés de jaune à la base, les faisaient reconnaître pour de jeunes hokos âgés d'environ un mois. Le vieux noir tenait en outre, solidement amarré par les pattes, un magnifique oiseau de la taille d'un dindon, au plumage noir-bleu sur le dos, casqué d'une belle aigrette frisée, au ventre taché de blanc, pourvu d'un bec court, solide, légèrement aquilin comme celui d'un coq, et semblant enchâssé dans une armature d'or. L'arrivée du bonhomme, parti depuis plus de 8 heures, fut saluée comme toujours d'une cordiale bienvenue. Robin, occupé à nouer le hauban d'un grand hamac, filé et tissé par sa femme, avec le coton recueilli les semaines précédentes, interrompit sa besogne, vint à sa rencontre et lui dit gaiement « Hé, compé, tu as fait une bonne chasse, que nous apportes-tu là ?»« Sa petit Oko, sa maman Oko, mais c'est un trésor, c'est l'avenir de notre basse-cour, c'est du gibier, de la viande fraîche. » Les enfants et leur mère sortirent précipitamment de la case et vinrent féliciter Casimir qui se rengorgeait fièrement. « Une famille de hokos, » dit le proscrit à sa femme émerveillée. « Voici des habitants pour ce grand enclos palissadé que nous avons eu tant de mal à élever dernièrement et dont notre vieil ami pressait si fort l'achèvement. « Ça même, » répondit le noir enchanté, « mon trouvé ni. Attendez maman hoko pondée, attendez les couvées, attendez sopitifica bonbon. Moqué à porter l'Igaba. Et pendant ce temps, tu nous faisais bâtir un abri pour eux. Cela s'appelle acheter la corde avant le veau, interrompit Nicolas sentencieusement. Heureusement que le proverbe n'a pas eu les conséquences qu'on lui prête. Allons, dit Madame Robin, hâtons-nous vite de leur donner la liberté relative dont ils vont jouir près de nous. Retirons-les de leur cage et mettons-les dans leur nouvelle demeure. Ne crains-tu pas que la mère ne cherche à s'échapper? Demanda Henri. « Je ne le crois pas, mon enfant. Loco s'apprivoise très facilement, à la condition de ne pas être enfermé dans un réduit trop étroit. Il s'attache volontiers, bat bien familièrement, fait de longues échappées en forêt et rentre généralement à l'habitation. Et d'ailleurs, cette pauvre mère ne cherchera pas à abandonner ses petits. « Le bel oiseau !» répétait à satiété Nicolas. « Il pèse au moins 4 kilogrammes. Est-ce bon à manger ? Gourmand !» Le beefsteak de Hoko est peut-être le meilleur mets de la zone torride. Ça se mange en beefsteak, un oiseau? Oui, Nicolas, en beefsteak. Le poitrail est à ce point charnu que l'on peut facilement, dans le sens de la largeur, une dizaine de beefsteaks succulents auxquels nulle chair n'est comparable. Les petits qui venaient d'être lâchés dans l'enclos se disputaient avidement quelques graines lancées à la volée par les enfants et couraient le cou tendu à la recherche de morceaux de cassabe dont ils se montraient très friands. La mère, encore épeurée, secouait ses ailes, trottait dans l'enceinte et poussait des cris sourds qu'on eût dit arrachés du gosier d'un ventriloque. La pauvre bête ne tenta pas pourtant de franchir la palissade. Elle se rassura peu à peu en voyant la confiance de ses petits et se hasarda même à picorer aussi avec de grands gestes déhanchés, encore un peu craintifs, mais exempts d'effarement. « Oh, papa, on dirait qu'il nous connaît déjà, » fit Edmond. « Est-ce que nous pourrons l'approcher bientôt ?» « Dans 2 ou 3 jours, elle viendra manger de ta main, mon enfant. ce bel oiseau est tellement doux, confiant et paisible que sa domestication s'opère presque du jour au lendemain. Ses qualités, si rares chez un animal absolument sauvage, et qui ne se trouve que sous notre latitude, lui ont même fait attribuer par certains auteurs une injuste réputation de stupidité. Il semble, dit Buffon, s'oublier lui-même et s'intéresser à peine à sa propre existence. On dirait qu'il ne voit point le danger, ou du moins qu'il ne fait rien pour l'éviter. Il est complètement inoffensif. Sa douceur, ou plutôt son indolence est telle qu'il songe à peine à fuir, lors même que quelques-uns de ses compagnons viennent d'être atteints par le plomb des chasseurs. Il se sauve d'arbre en arbre et semble à peine avoir conscience du péril qui le menace. Au blé, on a tué jusqu'à 9 de la même bande avec le même fusil qu'il rechargea autant de fois qu'il fut nécessaire. Toutefois, la présence souvent répétée d'un ennemi peut changer ce naturel et le rendre inquiet, farouche et ombrageux. « Comme tu le disais tout à l'heure, père, on l'a calomnié, » dit Henri, qui écoutait toujours avec la plus grande attention les leçons du proscrit. « Il ne s'ensuit pas forcément qu'il soit stupide parce qu'il est bon. » « Tu as absolument raison, mon cher fils. Vous avez tous remarqué d'ailleurs que les animaux vivant à l'état sauvage aux environs de l'habitation, voyant que nous ne leur faisons aucun mal, se sont peu à peu rapprochés, au point de venir familièrement nous rendre de fréquentes visites. Voyez cette colonie de caciques, dont les nids pendent à 100 mètres à peine d'ici, comme de longues bourses à l'extrémité des branches de ce grand bâche, et ces agoutis, ordinairement si craintifs, qui s'ébattent chaque jour dans les patates, les petits effrontés, et ces perroquets jaseurs, ces aracriards, qui viennent chanter, siffler, jacasser jusque sur la toiture de la maison. Il n'est pas jusqu'aux singes, qui ne s'enhardissent au point de cabrioler au milieu de nous sans la moindre appréhension. Nous allons donc élever ces jeunes hocos, leur donner à manger, puis, quand ils seront plus forts, ils iront où bon leur semblera. Et soyez tranquilles, ils reviendront fidèlement chaque soir. « Ici, Kat, ici, monsieur !» cria tout à coup Henri en voyant le jaguar, qui avait déjà atteint la taille d'un gros chien, se glisser hypocritement le long de la palissade au grand effroi de la mère des hocos. Tu vois bien que sa réputation de stupidité est une calomnie. La pauvre bête n'ignore pas le danger, au contraire. Et comme Kat n'obtempérait pas assez vite aux ordres de son jeune maître et qu'il mordit à belle dans la palissade, un coup d'une fine baguette appliquée à tour de bras par l'enfant le fit bientôt prendre la fuite. C'est sur ces entrefaites que Robin parvint à suppléer au manque d'une substance bien indispensable et qu'il désespérait jusqu'alors de pouvoir se procurer. S'il ne négligeait aucune occasion d'instruire les enfants et de grouper, au fur et à mesure que se développait leur intelligence, de nouvelles connaissances autour des anciennes, il était désolé de ne pouvoir les faire lire et écrire. Bien des années se passeraient encore avant que ses fils purent prendre une part active aux travaux de la colonie, et il importait de ne pas laisser passer ce temps après lequel il est si difficile de se rompre au maniement de la plume et à la gymnastique de la lecture. Ses tentatives a été jusqu'alors infructueuse. C'est comme le disait avec chagrin Nicolas, que les rames de papier ne poussent pas aux arbres, ce en quoi il se trompait grossièrement d'ailleurs. Les essais continuaient toujours vainement, quand une fantaisie du Parisien fut l'occasion d'une véritable trouvaille. Nicolas était jadis un fumeur enragé. Le pauvre garçon avait été contraint de renoncer à sa passion favorite depuis le moment où il avait dit adieu au Tropic Bird. Il aurait donné un de ses doigts pour un simple paquet de caporal ou une douzaine de cigares à un sou. Casimir, heureux d'être agréable à compé Nicolas, avait promis de se mettre en quête de tabac. Dans les abatis des Noirs et des Indiens, un coin quelconque est toujours réservé à cette plante, pour laquelle ils éprouvent une passion non moins vive que les Européens. Il était à supposer que la bonne mère devait en posséder. Les recherches du vieillard furent longues, mais elles obtinrent un succès complet grâce à son inaltérable patience. Un beau matin, Nicolas, ravi, reçut un paquet de cigarettes, longues de près de 30 centimètres, composées chacune d'une feuille de tabac bien sèche et roulées à la manière indienne dans une substance mince, tenace, solide et d'une belle couleur cannelle. Le Parisien, après un remerciement dont les fumeurs comprendront sans peine la vivacité, s'entoura d'un nuage odorant. Robin prit une cigarette et l'examina curieusement. La vue de l'enveloppe remplaçant le papier lui suggéra l'idée de l'appliquer à un tout autre emploi. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-il au noir. « Ça, écorce Mao, » répondit-il. « Où l'as-tu trouvé ? » « Là-bas, côté champ manioc. Viens avec moi, Nous allons chercher une provision. » Après une demi-heure de marche, les deux hommes se trouvaient devant un bouquet de beaux arbres, aux immenses feuilles, vertes en dessus, pâles en dessous, et couvertes d'un fin duvet roussâtre. Ils portaient des fleurs blanches et jaunes, pour fruits de longues capsules cannelées, jaunes, renfermant des graines blanchâtres, entourées d'un duvet analogue à celui des feuilles. Son écorce, fine, lisse, de la nuance des cigarettes de Nicolas, ne présentait aucune aspérité. L'ingénieur reconnut en effet le mahofran, un arbre voisin des cotonniers, employé aux colonies à de multiples usages. Son bois tendre, blanc, léger, facile à fendre, est excellent pour allumer du feu par le frottement. Il flotte comme le liège. Son écorce fibreuse, très résistante, coupée en lanières, sert à faire d'excellentes cordes, absolument imputrescibles, et aussi à calfater les pirogues. Enfin, les riverains de certains fleuves de la zone équinoxiale fabriquent avec son liber des hamacs, des filets, etc. Le génie inventif du proscrit allait donner une autre destination à cette partie de la substance corticale. Sans perdre une minute, il en détacha de larges morceaux et décolla en quelque sorte une quinzaine de minces plaques concentriques avec la même facilité qu'il eût séparé les feuillets d'un livre mouillé. Cette manœuvre s'opéra sans déchirure et avec une grande rapidité. « Je tiens mon papier, » s'écria-t-il joyeux, « pourvu qu'il ne boive pas quand il sera sec. » Casimir ne savait pas ce que cela signifiait. Il comprit seulement que son ami voulait des feuilles sèches. Il lui en montra quelques-unes qu'il avait mises de côté sur des lambeaux d'écorce et qui, en séchant à l'ombre, étaient bien planes sans la moindre gerçure. « L'encre sera facile à trouver, un peu de manie. » Mieux encore, du sucre de génipa. Quant aux plumes, le Hoko va m'en fournir. » Ils revinrent l'habitation, et le repère, sans dire un mot de sa découverte, se dirigea vers l'enclos palissadé dans lequel s'ébattait depuis une semaine la petite famille des Hoko. Il retint grand-peine un cri de colère et de douleur à la vue des petits blottis effarés dans un coin et de la mère, déchirée en lambeaux, dont le cadavre n'était plus qu'une masse informe de chair pantelante mêlée à des plumes froissées. Au bruit de ses pas, le jaguar, les lèvres rouges, s'enfuit la queue basse, comme s'il avait conscience de son méfait, et disparut par une large ouverture pratiquée dans la palissade. L'ingénieur ne voulut pas trister les enfants en leur racontant l'incartade de leur favori, auquel il se promit d'administrer en temps et lieu une solide correction. Le jour allait avant peu finir, il remit au lendemain l'annonce de la mauvaise nouvelle, ramassa quelques plumes de la pauvre défunte mère, répara la palissade et pénétra dans la case. « Mes chéris, » dit-il, « soyez heureux, voici du papier, des plumes et de l'encre. Nous allons tenter un essai, qui, j'ai tout lieu de le croire, sera couronné de succès. » Il tailla sans plus tarder une des plumes à l'aide d'un petit canif de toilette que sa femme avait apporté par hasard et dont on prenait un soin minutieux. Quelques gouttes de sucre de génipa noircissaient au fond d'une écuelle de terre. Il y trempa la plume, et d'une écriture ferme, bien arrondie, semblable à celle des vieux parchemins, traça en quelques lignes la monographie du mahofran et raconta l'origine du papier. Ce ne fut pas sans une vive émotion qu'il passa la feuille à son fils Henri, qui lut comme de l'imprimer le manuscrit à la grande joie de ses frères et de sa mère. Cette découverte avait pour les Robinson de la Guyane une importance capitale. Le proscrit avait jusqu'à ce jour appréhendé l'ignorance pour ses fils. La pensée qu'ils ne seraient peut-être que de petits sauvages blancs avait souvent attristé son esprit. Quelle que soit en outre la grande utilité pratique des études orales, rien ne peut remplacer pour de très jeunes enfants les leçons écrites. L'étude de l'arithmétique, des mathématiques et de la géographie, entre autres, serait absolument impossible. Aussi, tous les membres de la colonie, grands et petits, voulurent-ils, à tour de rôle, écrire quelques mots sur ces belles feuilles, dont la couleur fauve s'harmonisait si bien avec la teinte marron foncé de l'encre de génipa. Chacun eût voulu avoir une plume et barbouiller à son aise. La manifestation de ce désir rappela au proscrit la fin malheureuse de la pauvre mère des Hoko. Kat n'avait pas reparu, espérant sans doute qu'après avoir passé la nuit à la belle étoile, le souvenir de sa méchante action serait oublié. Le féroce gourmand se trompait, car Henri, indigné au récit de son méfait, jura de lui administrer concurremment avec son père la volée que celui-ci lui avait promise et dont le souvenir ne s'effacerait pas de longtemps. L'acte de voracité du jaguar pouvait aussi porter un grave préjudice à l'élevage des poussins, trop jeunes encore pour se passer de leur mère. Madame Robin, surtout, était d'autant plus inquiète que des grains abondants, précurseurs de la saison des pluies, tombaient plusieurs fois par jour. Le lendemain, chacun fut sur pied dès l'aube. La porte était à peine ouverte qu'un cri sonore, semblable à un appel de cor de chasse, retentit à quelques pas de la case dans la direction de l'enclos. « Qu'est-ce encore ? » s'écria Robin en saisissant son fusil, chose qu'il ne faisait que dans les grandes occasions. Casimir sortit, clopin clopant, et rentra en riant à cet ordre. « Laissez sa fusil là, compé. Ou Cavini côté Pitioco. Oh, mi maman, ça bien drôle, mot content. » Au moment où ils arrivent à la palissade, un spectacle original s'offre en effet à leur regard. Un bel oiseau de la taille d'un gros coq, mais monté sur de longues jambes, s'avance gravement au milieu des jeunes hocos, les surveille d'un œil vigilant. Les groupes autour de lui grattent la terre, fouillent les herbes et cherchent à découvrir par eux des graines ou des larves. Leur mère n'eut pas témoigné plus de zèle ni plus d'attention. De temps en temps, il se dresse sur ses ergots et lance son appel sonore. Il porte haut sa belle tête intelligente, au long bec aquilin, et couverte d'un fin duvet court et légèrement crépu. Son plumage, d'un beau noir sur le cou, les ailes, le ventre, a des reflets irisés. Une bande, d'un rouge au creux, qui tranche sur ce fond noir, l'entoure comme une ceinture, passe sur le dos qu'il sépare en deux parties à peu près égales, et sur les ailes, dont les petites couvertures se dorent d'un fauve éclatant. Il ne semble aucunement gêné de la présence des nouveaux arrivants, que son manège intéresse vivement. On lui jette des graines et du couac, et loin de se précipiter goulûment, il appelle les poussins avec ses petits gloussements affectueux habituels aux poulmères. « Ça, gami, bons oiseaux, camarades à tout moun. » Oh, je le reconnais parfaitement. Depuis quelque temps, je le vois tourner autour de l'habitation. Je pensais bien qu'un jour ou l'autre, il se rapprocherait de nous. « Quel bonheur !» s'écrie le petit Eugène, qui adore les oiseaux. « Est-ce qu'il va rester ici ?»« Oui, mon enfant. » Il ne quittera plus ces petits orphelins qu'il a adoptés déjà, et auxquels il témoigne un amour de mère. « Qu'il est beau !» reprit l'enfant. « Il est aussi beau que bon, et il n'existe peut-être pas d'animal aussi affectueux que lui. Croiriez-vous, mes chéris, que non seulement il sait reconnaître celui qui le soigne, et se prend pour lui d'une vive affection, mais encore il obéit à sa voix, répond à ses caresses, et en sollicite de nouvelles, jusqu'à l'importunité. Il fête sa présence par les transports de joie, devient triste quand il le voit partir et accueille son retour par des bonds et des battements d'ailes. Il est très constant dans ses affections. S'il est libre de son attachement, il le donne à celui qui lui témoigne le premier de la bienveillance. « Papa, » interrompit Eugène, « veux-tu me le donner ? Je l'aimerai beaucoup et il m'aimera aussi. Il ne connaît encore personne. Je voudrais qu'il s'attache à moi. » « Accordé, mon fils. Ton frère Henri possède un jaguar. Aide-moi à ta manoir. » À toi, la gamie. Tu ne seras pas le plus mal partagé sous le rapport de l'amitié. Au contraire. Quand les hocos devenus grands n'auront plus besoin de ses soins, il te suivra partout comme un chien. Mais, demanda Madame Robin, est-ce qu'il se comporte toujours ainsi vis-à-vis des animaux de basse-cour? Je le crois volontiers. On lui accorde l'intelligence des chiens de berger. Il exerce sur les volatiles domestiques le même empire, la même surveillance que les chiens sur les moutons. La gamine lançait de temps en temps son cri qui devait s'entendre fort loin. Cri bizarre qu'il pousse sans ouvrir le bec et qui lui valut le nom d'oiseau trompette chez les créoles. Il l'accueillit d'une façon particulièrement affectueuse les avances de Eugène. Ils s'enhardit bientôt et vint à la grande joie de la famille prendre dans la main du petit homme les morceaux de cassave que celui-ci lui tendait. « Maintenant c'est fini, » dit la mère à son fils enchanté. « Vous voilà amis pour la vie. » « Te rappelles-tu bien, Henri, tout ce que j'ai raconté sur la gamie ?» demanda Robin. « Oui, père, je me rappelle tout. Je devine ce que tu vas me dire. »« Parle, mon cher petit devin. Puisque nous avons de quoi écrire, tu désires que je rédige la leçon que tu viens de nous faire. »« Et que tu l'enseignes ensuite à tes frères. » termina le repère en l'embrassant. L'épilogue de cette aventure fut une rude correction appliquée près de l'enclos sur l'échine de quatre par la main vigoureuse de Robin. Le jaguar, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, n'approcha plus de longtemps l'enceinte au milieu de laquelle grandirent sous la surveillance de la gamie les jeunes hocos qui, parvenus à l'âge adulte, ne quittèrent plus l'habitation. Peu à peu, les oiseaux et les quadrupèdes sauvages, enhardis par l'exemple, se rapprochaient et vivaient dans une demi-familiarité avec les Robinson, qui semblaient véritablement les rois de cet Éden. L'abatis, au lieu d'être déserté par les habitants de la forêt qui fuient toujours l'homme aux instincts destructeurs, semblait un lieu de réunion où venaient fraternellement s'ébattre les êtres les plus disparates. La plantation qui aurait largement suffi à nourrir 30 familles alimentait aussi les animaux. Rien n'était touchant et gracieux tout à la fois comme la vue de cette colonie dont tous les membres semblaient enfin goûter un bonheur si vaillamment conquis. Une légère tache obscurcissait pourtant l'horizon de l'un d'eux. La joie du petit Charles n'était pas complète. Ses trois frères avaient chacun un compagnon qui était sa propriété exclusive. Charles n'ambitionnait pas un jaguar, ni un fourmilier, ni même un agami, mais il voulait un singe. Les sapajous, les macaques, les tamarins, les coatas, les alouettes eux-mêmes venaient bien de temps en temps exécuter à quelques pas de la maison leur fantastique cabriole. Mais ils ne se laissaient jamais toucher, et le petit Charles était désolé. À 100 mètres environ de la case, un bâche colossal dressait, on se le rappelle, ses palmes admirables, à l'extrémité desquelles un clan de caciques avait élu domicile. Ces oiseaux, de la grosseur de notre loriot de France, jaune comme lui, avec les ailes et la tête noire, ont l'habitude de vivre en nombreuses compagnies. Ils construisent sur le même arbre 15, 20, 30 nids extrêmement curieux, semblables à de longues bourses, pourvu d'une ouverture latérale et suspendu par quelques joncs à l'extrême pointe des feuilles. Si, d'une part, ces poches longues d'un mètre et larges à la base de près de 30 centimètres ont un aspect original, elles offrent d'autre part un abri des plus sûrs pour l'intelligent volatile qui les bâtit. Il n'est pas en effet de rôdeur, si petit qu'il soit, rapalmiste ou sapajou, en quête de frais, qui pourrait s'aventurer à l'extrémité des folioles ténues auxquelles sont amarrées par des fils plus ténus encore ces habitations aériennes. Pour plus de sûreté encore, les caciques accrochent toujours leur nid à des arbres sur lesquels les mouches à dagues, ces terribles guêpes de la Guyane, ont élu domicile. Ces hyménoptères sont appelés aussi mouches carton, à cause de la substance semblable à du carton qui leur sert à bâtir leur nid et qu'elles tirent des fibres végétales agglutinées avec une sorte de gomme qu'elles sécrètent. Ce nid, qui a souvent plus de 40 cm de diamètre, est pourvu d'une ouverture unique pouvant livrer passage à une seule mouche. Chose curieuse, les mouches à dagues et les caciques vivent en parfaite intelligence et, loin de s'attaquer jamais, s'unissent pour repousser leurs mutuels ennemis. Le bâche de l'habitation de la bonne mère avait donc aussi son nid de mouches à dagues. Un beau matin, un joli macaque, fort friand de ses mouches, s'avisa de leur déclarer la guerre. C'était avant le lever du soleil. Les insectes, encore endormis, allaient bientôt sortir. En dépit des clameurs assourdissantes des caciques, le macaque s'installa commodément près du nid, posa son petit cheval sur ses épaules et attendit le réveil. Comme il ne voyait rien venir, notre gourmand s'impatienta, frappa de sa main gauche quelques coups secs sur la paroi sonore du nid pendant qu'il appliquait l'index de son autre main sur l'ouverture. Un léger bourdonnement l'avertit que la colonie s'éveillait. Il retira son doigt, une mouche montra la tête. Crac, les deux petits doigts noirs saisirent l'insecte au passage, écrasèrent son abdomen, l'aiguillon surgit inoffensif et la mouche fut incontinent avalée avec une superbe grimace de contentement. Une seconde suivie et eut le même sort, puis une troisième, et ainsi de suite indéfiniment. Comme la sortie des guêpes pouvait devenir plus rapide que leur absorption par le quadrumane, il régularisait cette sortie en bouchant l'ouverture avec le doigt de la main gauche, pendant que la droite opérait sans relâche le transport du nid à sa bouche. Ce mouvement bi-automatique s'accomplissait avec une régularité mécanique depuis près d'une demi-heure, sans un faux mouvement, sans une seule hésitation. L'enragé gourmand ne l'avait jamais assez, il croquait toujours et semblait vouloir continuer sans relâche au grand désespoir d'un de ses congénères qui s'était avancé sans bruit et contemplait d'un œil d'envie ce régal auquel il ne pouvait prendre part. Le premier arrivant paraissait ne pas vouloir quitter la place, et la conquête en était trop difficile pour être tenté par la force. Si le petit doigt obturateur était en retard d'une demi-seconde, les deux singes auraient aussitôt à leur trousse un essaim de guêpes irritées dont les piqûres sont horriblement douloureuses et souvent mortelles pour les animaux de moyenne taille. De guerre lasse, enfin, le nouveau venu parut renoncer à toute compétition. il monta sans bruit au haut du bâche, s'accrocha par la queue, la tête en bas, et se balança pendant quelques minutes avec frénésie. Bien que cette position n'ait en soi rien de méditatif, elle avait sans doute fait affluer les idées dans le cerveau du macaque. Il avisa un grand régime de fruits mûrs, pesant ensemble plus de 20 livres, accrochés à 2 mètres au-dessus de l'amateur de mouches à dagues. Il mesura de l'œil la distance le séparant du sol, pouffa de rire, se gratta, puis se mit sans plus tarder à ronger à belles dents le pédoncule charnu qui pliait à se rompre et qui dégringola bientôt avec fracas, entraînant pêle-mêle la moitié du nid et le petit égoïste qui s'aplatit sur le sol, l'échine rompue. L'auteur de cette farce lugubre, ravi de son escapade, comptait bien se mettre en quelques secondes à l'abri de l'aiguillon des mouches irritées. Il avait compté sans les caciques. Ceux-ci, à la vue de l'attentat dont leurs alliés venaient d'être les victimes, redoublèrent de cris, se mirent à volter autour de lui en formant un cercle menaçant. C'est en vain qu'il bondissait de branche en branche et cherchait à s'éloigner. Les mouches guidées par les oiseaux se jetèrent sur lui, le lardèrent à qui mieux mieux, jusqu'à ce que, gonflé comme une outre, il vint en tombant s'écraser sur une racine. Pendant que s'accomplissait cet acte de justice sommaire, le jeune singe, que sa mère tenait sur ses épaules pendant qu'elle gobait les mouches et qu'il avait accompagné dans sa chute, poussait des cris plaintifs. Par un hasard prodigieux, il n'avait aucun mal. Mais voyant l'immobilité de sa mère, sentant son sein tari, il tiraillait, éperdu, les poils de sa toison, et cherchait vainement à provoquer un mouvement, une caresse. Les Robinson avaient assisté à ce petit drame aérien qui les avait vivement intéressés. Casimir, sans prononcer un mot, s'était avancé doucement, sans faire de grands mouvements, dans la crainte d'attirer l'attention des guêpes occupées déjà à réparer les désastres de leur habitation. Il prit le cadavre du macaque étroitement enlacé par le petit et le rapporta triomphalement à la case. Charles n'avait plus rien à envier à ses frères. Son souhait était exaucé, il possédait son singe. Une année s'est écoulée, avons-nous dit, depuis le moment où la vaillante famille du proscrit a pu rejoindre son chef. La saison des pluies vient de commencer. Grâce à leur activité prodigieuse, les Robinson de la Guyane peuvent braver la faim et résister aux intempéries. La case commune est en parfait état. Les provisions de toutes sortes sont emmagasinées dans de vastes abris bien couverts et parfaitement aérés. Une toiture a été adaptée à un coin de la basse-cour. L'élevage des hocos a fait merveille. Des marailles, Pénélope leucolophos, des perdrix en bois, Tetrae montanus, aussi grosses qu'un dindon, des tocros, Tetraoguinanensis, des paracas, des pintades, se sont joints à eux et vivent tous en parfaite intelligence. Un certain nombre de tortues de terre appelées par Casimir totilatées, savoureux potage de l'avenir, sont parquées près de la basse-cour en compagnie de jeunes pécaris que leur mère allait encore. La vie matérielle est donc assurée. Pendant cette énervante saison de l'hivernage, les distractions de toutes sortes ne manqueront pas aux membres de la colonie. La garde-robe a besoin d'être renouvelée. Aussi, une ample provision de coton a-t-elle été recueillie en temps et lieu. Un métier à tisser, très simple, bien rudimentaire, suffisant en somme, a été installé par Robin et Nicolas. Il fonctionne d'une manière satisfaisante et donne une étoffe excellente. Chacun, sauf Casimir qui marche pieds nus, est pourvu de chaussures souples, légères et très commodes, analogues aux mocassins des Indiens de l'Amérique du Nord. Le sale laco restera, sauf modification ultérieure, la coiffure obligatoire. Les fibres d'aruma en forment la matière première. Enfin, une ample provision de papier mao, bien sec, bien luisant, est à la disposition de tous. Ces longues journées de pluie ne sont pas stériles. L'esprit des enfants se développe à merveille. Les Robinson de la Guyane ne sont pas de petits sauvages. Ils font honneur aux Français de l'Équateur. Ainsi s'achève Le Tigre Blanc, première partie de Les Robinson de la Guyane par Louis Bousnard.